إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلازلنا في شرح عقيدة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله وحفظ الله تبارك وتعالى جميع علماء أهل السنة السلفيين ورحم الله الذين مات منهم. Donc nous étions toujours dans l'explication de la croyance de l'imam revivificateur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, et nous avions commencé donc hier par l'introduction de Cheikh Fawzan, et nous avions dit que à l'époque le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, la péninsule arabique avait délaissé complètement la croyance authentique sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Et les savants de Najd, qui est donc une contrée dans la péninsule arabique, étaient spécialisés dans le fiqh hanbalite, et concernant leur croyance, ils avaient une croyance ash'arite. Et dans leurs adorations, ils penchaient plus vers le soufisme. Wa fi hadhihi al-athna adhhara Allah Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et donc à cette période-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayhi. وأعطاه الله تبارك وتعالى من الذكاء والفطن ما جعله يدرك ما عليه الناس. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet éminent homme, il lui a donné une intelligence hors du commun avec laquelle il pouvait saisir et comprendre les choses sur lesquelles étaient les gens. فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. Et donc dès son plus jeune âge, il a commencé à lire et à faire des recherches dans les livres des deux shirks que sont Cheikh al-Islam Taymiyyah et Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa yaqra'u fi kutub as-salaf. Également il lisait dans les livres des pieux prédécesseurs. Wa huwa wahdahu faqat. Et il faisait ça seul. Il était seul à faire cela. ثم إنه لم يكتفي ببلده فسافر إلى البلاد الأخرى وسافر إلى مكة حاجا وأخذ عن علمائها. Et donc il ne s'est pas arrêté à rester dans son pays, mais il est parti et a voyagé dans d'autres contrées. Il est parti en pèlerin à la Mecque et il est resté un certain temps afin de prendre la science chez les savants de la Mecque. وسافر إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي وأخذ من علمائها. Il est également parti à Médine afin de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a appris la science également des savants de Médine. Thumma safara ila al-Ahsa wa akhadha min ulama'iha. Et également il est parti dans une autre contrée de la péninsule arabique qui s'appelle l'Ahsa, et il a pris la science des savants qui étaient présents là-bas. Thumma safara ila al-Iraq wa qasada ila al-Basra. Et il est donc également parti en Irak et à Bassora. Wa laqiya fiha min al-ulama ma laqi wa tatalmada alayhim wa ta'allama minhum an-nuskha من الكتب ونسخ من الكتب ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك. Et donc il est resté en Irak et il a appris la science des savants en Irak et à Bassora, et il est resté avec ces savants et il a appris de leur science, et il a retranscrit certains livres qui étaient présents là-bas. Et il a également voulu aller à Sham, qui est, comme on a dit, la Jordanie, Palestine, Syrie et Liban actuel. Mais le voyage là-bas ne lui a pas été facilité et il n'y est donc pas allé. Thumma raja'a ila biladih. Après cela, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah est retourné dans son pays. Wa kana حزينا واسيفا مما عليه الناس. Et Cheikh, en retournant dans son pays, il était malheureux et attristé de voir la situation et la croyance sur laquelle étaient les gens de sa région et de sa contrée. ولم يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه. Et donc il ne pouvait pas se taire sur la croyance sur laquelle étaient les gens de son époque, comme se sont tus les savants de sa région. فَبَدَأَ بِالدَّعْوَةِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهُدَى. Et donc il a commencé à inviter à la véritable croyance, avec science et avec guidance. وَبَدَأَ الدَّعْوَةِ فِي بَلَدِهِ أو فِي بَلَدَةِ حُرَيْمَلَى مقر أبيه حيث كان قاضيا فيها. Il a commencé à faire sa da'wa dans une contrée qui s'appelle Huraymala et qui était la contrée ou la ville où habitait son père, qui était juge dans cette ville. ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العوينة وكانت تحت إمارة ابن معمر. Et donc il est parti et il n'a pas pu rester dans la ville où résidait son père, et il est parti et il s'est dirigé vers une autre ville qui s'appelle l'Uyayna, et cette ville-là était sous la gouvernance d'Ibn معمر الامير de cette ville. وعرض على اميرها هذه الدعوه فتقبلها الامير. Et donc le cheikh, il est parti voir l'amir de cette ville, l'émir de cette ville, et il lui a confronté la da'wa et la croyance à laquelle il invitait, et l'émir de cette ville a accepté que le cheikh s'installe dans sa ville afin d'inviter les gens à cette da'wa et à la croyance authentique. وناصر الشيخ وقامت الدعوة. Et donc il a donné la victoire et son soutien à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et c'est à partir de ce moment-là véritablement que la da'wa de Cheikh a commencé. وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة التي كان الناس يقصدونها وأقام حد الزنا فرجم الزانية التي اعترفت. Et donc Cheikh, à ce moment-là, il a commencé à faire cette da'wa et à inviter les gens à la croyance authentique. Et également, il a commencé à blâmer le mal et à l'interdire. Et c'est pour cette raison qu'il a cassé la coupole qui se trouvait sur la tombe de Zayd ibn al-Khattab, qui était Al-Uyayna. Et les gens allaient vers cette tombe et demandaient l'aide et le soutien de la tombe ou de la personne qui était dans la tombe. Également, parmi le mal qu'il a blâmé, et parmi les choses qu'il a faites, il a appliqué la sentence religieuse sur la femme qui avait commis l'adultère. Et donc il l'a lapidée, puisqu'elle était venue à lui, et qu'elle avait reconnu son acte d'adultère. فَلَمَّا بَلَغَ أَمِيرَ الْأَحْسَى إِبْنُ عُرَيْعِرْ الْخَالِدِ غَضِبْ عَلَى بْنِ مُعْمَرْ. Et donc quand cette chose-là et ces événements-là sont venus aux oreilles de l'émir de l'Ahsa, qui s'appelle Ibn Urayr al-Khalidi, cet émir-là s'est mis en colère. S'est mis en colère contre l'émir de l'Uyayna, qui était Ibn Mu'mar. وَتَهَدَّدَهُ بِأَنْ يَقْطَعَ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الْمَرْتَبِ إِنْ لَمْ يَطْرُدْ هَذَا الْمُطَوِّعِ. Et donc il l'a menacé, il lui a dit que si il ne rejetait pas Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne donnerait plus l'argent qu'il lui donnait d'habitude. فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه. Et donc l'émir de l'Uyayna a appelé Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et lui a dit, et il l'a informé de la situation. Et quelle était la situation? Et que l'émir de l'Ahsa l'avait menacé de ne plus lui donner l'argent qu'il lui donnait d'habitude si il ne le chassait pas de la ville de l'Uyayna. فالشيخ أراد أن يطمئنه فقال له ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان وعليك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. Et donc الشيخ a voulu apaiser le cœur de Ibn Ma'mar et il lui a dit ces paroles. Il lui a dit: ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comme subsistance est meilleur pour toi, est meilleur pour toi que ce que te donne cette personne, et tu dois t'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui suffira. ولكن الرجل مقتنع وطلب من الشيخ المغادرة. Mais malgré ces paroles, l'émir de l'Uyayna n'a pas été convaincu par les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et a préféré pencher vers cette vie mondaine. Et donc il a demandé au cheikh de partir et de prendre le départ. وغادر الشيخ العيينة إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الدرعية. Et donc cheikh est parti de العيينة et il est parti vers une contrée qui s'appelle الدرعية. وكان فيه أو في هذه البلدة كان فيها الأمير محمد ابن سعود. Et dans cette contrée il y avait l'émir qui s'appelait Mohammed ibn Saoud. وكان الأمير ابن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون عن هذا المطوع الذي جاء للعيينة ويأخذون حذرهم منه ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية ونزل ضيفا عنده ولم يعلم به أحد كان أمره خفيا. Et donc Cheikh est parti à الدرعية Et l'émir de Dari'a, c'était Mohammed ibn Saoud. Et Mohammed ibn Saoud, eh bien, c'était un émir comme les autres émirs, qui écoutait et qui a entendu les rumeurs concernant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et ces rumeurs mettaient en garde contre Cheikh. Ces rumeurs mettaient en garde contre Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il est parti, eh bien, à Dari'a, il n'est pas parti voir l'émir. Il est parti chez un de ses élèves qui s'appelle Ibn Suwaylim. Et il est parti, eh bien, en invité chez lui, sans que personne ne le sache. Et il a fait ça, eh bien, en secret. ولكن علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ. Mais la femme de l'émir Mohammed ibn Saoud, eh bien, a été informée de la venue du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. وكان قد هداها الله تبارك وتعالى وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بها. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait guidé cette femme. Elle avait entendu, eh bien, la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il a été convaincu par cette da'wa. فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود هذا العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليك. Et qu'est-ce qu'elle a dit à son époux, l'émir Mohammed ibn Saoud? Elle lui a dit: ce savant qui est venu, eh bien, dans ta ville et dans ta contrée, eh bien, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ramené. فَغْتَنِمْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُكَ. Profites-en avant que, eh bien, n'en profite quelqu'un d'autre. فَمَا زَالَتْ بِهِ حَتَّى اقْتَنَعَ بِقَوْلِهَا. Et elle n'a cessé, eh bien, de l'encourager à accueillir Cheikh jusqu'à ce qu'elle ait convaincu l'émir Mohammed ibn Saoud. فَقَالَ قُولُ لَهُ يَجِئُنِي. Donc il a dit, il a demandé, dites-lui qu'il vienne me voir. Il dit à Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'il vienne me voir, moi, l'émir. فَقَالَتْ لَا إِذَا طَلَبْتَهُ قَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُ. Donc elle lui a dit, non, ne fais pas ou ne procède pas de cette manière. Car si tu dis ou tu demandes à ce qu'il vienne, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'il va le ramener pour le châtier et l'emprisonner et le torturer, etc. ولكن اذهب له انت لكي يقدره الناس. Mais toi, va le voir afin que les gens le respectent. Va toi plutôt le voir pour que les gens le respectent. انظر الى حكمتها وسياستها رحمه الله تبارك وتعالى. Donc regardez cette femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidée. Voyez sa sagesse et voyez, eh bien, comment elle était intelligente. Et ceci prouve également, eh bien, qu'on peut prendre du conseil des femmes. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris le conseil de Umm Salama lors de la conciliation de l'Hudaybiyya. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم. Et donc l'émir Mohammed ibn Saoud, il est parti et s'est dirigé vers la maison de l'élève de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh. Il est parti, wa kana ibn Sulaym khaifan ala al-Sheikh. Et donc ibn Suwaylim avait peur et craignait pour Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Wa lamma jaa al-amir zada khawfuh. Et quand l'émir est venu, eh bien, la peur a encore plus augmenté. فدخل الأمير على الشيخ وسلم عليه. Donc l'émir Mohammed ibn Saoud est rentré voir Cheikh et il l'a salué. Il lui a dit salam alaykum. وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها. Donc Cheikh lui a parlé de la da'wa qu'il voulait faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a entrouvert la poitrine de l'amir Mohammed ibn Saoud et il a accepté de l'aider. Et donc il a promis à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire triompher sa da'wah et de l'aider et de le soutenir et de le protéger. Et ils se sont mis d'accord pour ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la da'wah, afin de propager la croyance authentique sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, a commencé. وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة وصار الطلاب يتوافدون عليه ووجد من يأويه ويناصره. Et donc Cheikh a commencé à bien enseigner, a commencé à conseiller les gens, a commencé à écrire des ouvrages, et les étudiants venaient de toutes parts le voir. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé qui allait le protéger et qui, eh bien, allait l'aider. وَصَارَ يُكَاتِبُ الْبُلْدَانِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ إِنَّهُمْ كَوَّنُوا الْجَيْشِ لِلْجِهَادِ فَغَزَوْا مَا حَوْلَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ. Et donc, Cheikh a commencé à écrire aux autres émirats et aux autres contrées afin, eh bien, de les inviter à se soumettre à la croyance authentique. Et après cela, eh bien, ils ont commencé à préparer une armée pour justement conquérir ces contrées qui ne voulaient pas se soumettre, eh bien, à la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Wa nasarahum Allahu tabaraka wa ta'ala ala ma hawlahum min al-buldan. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Wa dakhalat tahta wilayat al-amir Muhammad ibn Sa'ud. Et donc ces contrées-là sont rentrées sous, eh bien, l'égide et la gouvernance de l'émir Mohammed ibn Sa'ud. فَبَدَلًا مِنْ كَوْنِهِ أَمِيرًا عَلَى الدِّرْعِيَّةِ فَقَدْ صَارَ أَمِيرًا عَلَى نَجْدِ كُلِّهَا. Et donc à la place d'être émir seulement de la ville de Dir'iyya, il est devenu émir de toute la contrée du Najd, yani qui est l'est de la péninsule arabique. وَدَخَلَتْ البلاد تحت إمارته وقام جيش الجهاد في سبيل الله وقامت الدعوة وقامت الدعوة. Et donc tout le pays est rentré sous son autorité et sous sa gouvernance, et c'est ainsi que la da'wa a commencé à se propager. وفي هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس فيقولون إن ابن عبد الوهاب يريد أن يغير دين المسلمين. Et donc à cette période-là, les gens du faux et les gens de l'innovation qui ne voulaient pas accepter la croyance authentique sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, eh bien, ont commencé à ruser et ont commencé, eh bien, à propager et proférer des mensonges. Et il disait que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab voulait, eh bien, modifier la religion. Voulait modifier la religion. Wa annahu ja'a bidinin jadid. Ou qu'il est venu avec une nouvelle religion. Wa annahu ja'a yukaffiru al-muslimin wa annahu. Et qu'il est venu, eh bien, rendre mécréants les musulmans. Et qu'il faisait, et qu'il faisait, et il l'accusait de toutes sortes de choses. فَأَهْلُ الْقَصِيمِ كَتَبُوا لَهُ يَسْأَلُونَ. Et donc les gens de l'Qasim, qui est une contrée, qui est une ville en Arabie, dans la péninsule arabique, eh bien, lui ont écrit une lettre en le questionnant. وَهَذَا شَيْءٌ طَيِّبٌ أَنَّكَ لَا تُصَدِّقُ الشَّائِعَاتِ فَتَكْتُبُ لِشَخْصٍ تَسْأَلُهُ. Et donc cette chose qu'ils ont faite est une chose honorable. Le fait, eh bien, de ne pas croire toutes les rumeurs, mais d'écrire à la personne pour lui demander est-ce que ces choses-là sont vraies. كَتَبُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْ عَقِيدَتِهِ. Donc ils lui ont écrit une lettre en le questionnant sur sa croyance. Quelle était sa croyance ? لِأَنَّهَا شُوِّهَتْ عِنْدَهُمْ. Pourquoi ? Parce que, eh bien, avec toutes ces rumeurs qui circulaient à son sujet, eh bien, la croyance qu'on rapportait de Cheikh eh bien, avait une mauvaise réputation. وقيل إنه رجل خرج يريد أن يكفر الناس ويقتل الناس ويغير دين الناس وقيل ما قيل. Et donc ils lui ont dit que يعني les rumeurs couraient comme quoi tu étais un homme qui voulait eh bien rendre mécréants les gens, qui voulait tuer les gens, qui voulait déformer et altérer et modifier la religion et autres comme accusation. فكتب الشيخ هذه العقيدة. Et donc c'est pour ça que Cheikh a écrit eh bien ce message pour eh bien expliquer et montrer quelle était sa croyance. ليبين عقيدته وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. Afin eh bien d'expliquer et de montrer la croyance sur laquelle il était. Et que cette croyance était la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa katab ghayra hadhihi ar-risala fi rududihi al-mawjuda fi ad-durar as-sinniya ala ash-shubuhat allati wujjihat ilayhi. Il a écrit également d'autres messages et d'autres écrits dans lesquels eh bien il réfute toutes les rumeurs concernant eh bien sa croyance. ومنها كتاب كشف الشبهات فأجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله. Donc parmi ces écrits, كشف الشبهات, يعني le dévoilement des ambiguïtés, dans lequel eh bien il dévoile, il répond à toutes les ambiguïtés qui ont été propagées à son sujet. فهذا أصل هذه الرسالة أنه جواب أو أنها جواب عن سؤال أو عن سؤال عن عقيدته. Et donc ceci est la base et c'est pourquoi il a écrit eh bien ce livre justement pour répondre aux questions concernant eh bien sa croyance et son dogme. وكان في القصيم علماء أيضا وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة. فلما بلغهم خير الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته. Et donc Al-Qasim, il y avait des savants qui étaient eh bien en qui étaient ou qui yani ils étaient en contact avec les savants du Shem qui étaient eh bien spécifiés ou spécialisés dans le fiqh hanbalite. Et quand eh bien ces savants ont entendu ce qu'il se passait autour de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien ils ont écrit à Cheikh pour lui demander et le questionner sur sa croyance. فكتب هذه الرسالة يبين فيها عقيدته وما هو عليه. Et donc c'est pour cette raison qu'il a écrit cette rissale dans laquelle il explique et bien sa croyance. وَيَدْفَعُ مَا شُبِّهَا وَضِدَّهُ. Également, il repousse toutes les ambiguïtés qu'on lui a attribuées. وَهَذِهِ حَالَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et ça, c'est la situation et bien de la da'wa. Quand tu invites Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ce sera toujours comme ça. الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا بد أن ينالهم شيء من الآذاء والتهديد والتخويف. Ceux qui invitent Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement ils seront confrontés eh bien au tort des gens et à la menace et à la peur. ولكنهم يصبرون على ذلك. Mais ils devront patienter et endurer sur ces choses-là. ويثبتون عليه. Et ils devront être fermes quant à accomplir et à propager cette da'wa. وَيُجِيبُونَ عَنِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تَتَعَرَّضُ سَبِيلَهُمْ. Également, ils devront répondre à toutes les ambiguïtés qui se mettent en travers de leur chemin. وَهَذَا مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الدَّاعِيَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِيبُ عَنِ الشُّبُهَاتِ. Et donc, ceci prouve que celui qui invite Allah tabaraka wa ta'ala doit avoir une science suffisante avec laquelle il pourra répondre et réfuter toutes les ambiguïtés. Et il devra avec cette science montrer la vérité du faux. Et il doit être armé de science. Celui qui invite Allah tabaraka wa ta'ala doit être armé de science. Fashaykh, ma bashara hadhihi ad-da'wa al-'azima illa ba'da an ta'ahhala laha. Cheikh n'a commencé à faire cette da'wa que après, eh bien, avoir acquis la science. Ba'da an ta'allama waltaqa bil-'ulama fi al-bilad allati safara ilayha. Il a commencé sa da'wa que après, eh bien, avoir étudié et avoir, eh bien, rencontré les savants dans les pays dans lesquels il a voyagé. وَقَرَأَ الْكُتُبُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَاشَرَ الدَّعْوَةَ وَهُوَ مُسَلَّحٍ بِالْعِلْمِ وَالْحُجَجِ. Et donc il a lu les livres, il a appris auprès des savants, et après ceci, eh bien, il a commencé à propager la da'wa, parce qu'il était armé avec la science et il avait les arguments. فنصره الله تبارك وتعالى مع إخلاص النية. فنصره الله تبارك وتعالى مع إخلاص النية لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى lui a donc donné la victoire. الله سبحانه وتعالى lui a donc donné la victoire avec la sincérité qu'il avait envers Allah تبارك وتعالى. وأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. Et Cheikh ne voulait pas ni, eh bien, être orgueilleux sur terre, ni pervertir la terre. Mais il voulait juste propager, eh bien, la da'wa et la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wala malan, wala jahan. Et il ne voulait pas, eh bien, les biens de ce bas monde, et il ne voulait pas l'honneur et la haute place. وَإِنَّمَا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Mais il voulait le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُرِيدُ نُصْرَةَ هَذَا الدِّينِ وَبَيَانَ الْحَقِّ وَالنُّصْحَ لِلْخَلْقِ. Et il voulait, eh bien, donner la victoire à cette religion, et il voulait montrer la vérité, et il voulait également conseiller la création. فهو مشفق على الخلق أن يهلكوا. Il était compatissant et il ne voulait pas que la création et les gens, eh bien, aillent à leur perdition. وهو بينهم ولديه معرفة بالحق. Alors qu'il était, eh bien, parmi eux et qu'il connaissait la vérité. Et donc il était obligé, eh bien, de transmettre cette vérité. فرأى أن يقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فَرَآَا أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ إِلَّا هَذَا. Et donc, il a vu qu'il était obligatoire pour lui, eh bien, d'appeler et d'inviter à la véritable croyance, la croyance authentique, et également à ordonner le bien et à blâmer le mal. Et il a vu que seulement cette chose, eh bien, devait lui convenir, et que c'était la seule chose à faire. Donc Cheikh, il commence Ar-Risala et il écrit à Ahl Qasim. Donc il écrit à ces gens-là, à ces savants-là, qui l'ont questionné sur sa croyance, sur sa aqida. Faqala Cheikh, ou Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdil Wahhab, rahimahullahu ta'ala, fi risalati ila Ahl Qasim, لما سألوه عن عقيدته فقال بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله تبارك وتعالى ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. Donc il commence, eh bien, sa risala, sa lettre, eh bien, par le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant bismillahir rahmanir rahim, et il dit j'atteste devant Allah tabaraka wa ta'ala, et j'atteste devant ceux qui sont présents parmi les anges, et je vous prends en témoin que, eh bien, ma croyance est la croyance du groupe sauvé, et que c'est la croyance des gens de la sunna et de l'jama'a. فقال أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم. Donc Cheikh, il dit, il commence, il dit, j'atteste devant Allah tabaraka wa ta'ala, et je prends en témoin Allah subhanahu wa ta'ala, et je prends en témoin également, eh bien, les anges qui sont présents, et je vous prends également en témoin, vous, yani les gens à qui il écrit et les savants à qui il écrit. وكأن هذا مأخوذ من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Et donc c'est comme s'il avait pris cette parole du verset où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah azza wa jal atteste, yani fi surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala atteste, ainsi que ses anges, ainsi que les gens doués de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée avec vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est comme s'il prenait l'exemple de ce verset. فهو يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد العلماء على عقيدته. Donc Cheikh, eh bien, il atteste et il fait attester Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges et également les savants de sa croyance. وأنه ما جاء بشيء جديد. Et il atteste qu'il n'est pas venu avec une chose nouvelle. أو بتغيير لدين الله تبارك وتعالى كما يقال عنه. Ou qu'il n'est pas venu, eh bien, pour modifier la religion comme il est dit sur lui. إنما جاء بالحق الصريح. Mais il est venu avec la vérité claire, avec la vérité éclatante. وقوله إني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. Et donc il dit ensuite, ma croyance est la croyance du groupe sauvé, الفرقة الناجية. وعقيدة الفرقة الناجية أو عقيدة الفرقة الناجية هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et donc la croyance du groupe sauvé, c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi ou le Hakim fil Mustadrak, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abdillah ibn Amr ibn al-As, il nous dit que cette communauté, yani la communauté musulmane, va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes sont dans le feu, iront en enfer, yani. Sauf un groupe. Donc les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Man hiya? Qui est ce groupe? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est ceux qui seront, eh bien, sur la chose sur laquelle je suis aujourd'hui et sur la chose sur laquelle sont mes compagnons. فسميت الناجية لأنها نجت من النار. Donc ce groupe a été nommé ou a été appelé groupe sauvé. Pourquoi? Parce qu'il sera sauvé du feu. وكل هذه الفرق في النار إلا هذه الفرقة. Et donc tous les autres groupes musulmans, ils sont de l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les met dans la communauté, sont dans le feu, sauf ce groupe. فَهِيَ النَّاجِيَةُ مِنَ النَّارِ. Et donc ce groupe-là sera sauvé du feu. وَهَذِهِ أَوْصَافُهَا أَوَّلًا أَنَّهَا نَاجِيَةً. Et donc ces caractéristiques, les caractéristiques de ce groupe, c'est quoi? Premièrement, c'est que ce groupe sera sauvé de l'enfer. ثانيا أنهم أهل السنة. يعني الذين يأخذون السنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة. Et deuxième des caractéristiques de ce groupe, c'est que ce sont des gens de sunna. Ce sont les gens de la sunna, c'est-à-dire qu'ils prennent la sunna. Et la sunna, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de sunna, on parle de Coran, également de hadith, authentique, bien entendu. Quand on dit sunna, ahl sunna, eh bien ça englobe le Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kama qal man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et donc la sunna, c'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le hadith qu'on a cité précédemment, où est-ce qu'il a dit ceux qui sont et qui suivent la chose sur laquelle je suis aujourd'hui, ainsi que ceux qui suivent, eh bien, la chose sur laquelle sont mes compagnons, radiyallahu anhum. وَلَمْ يَأْخُذُوا بِمَذْهَبِ الْجَهْمِيَّةِ أَوْ الْمُعْتَزِلَةِ أَوْ الْخَوَارِجِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ. Et donc, ils ne prennent pas le chemin des autres groupes, comme le Khawarij, comme le Mu'tazila, comme le Jahmiya. إنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة. Mais ils ont juste pris, eh bien, le chemin des gens de la sunna qui s'accrochent à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا, troisièmement, parmi leurs caractéristiques, on a dit que ils sont sauvés, yani de l'enfer. Également, ils sont des gens de la sunna, wa kadhalika al jama'a, hum ahlu sunna wal jama'a. Al jama'a, c'est le groupe. Wa summu bil jama'a li'annahum mujtami'una ala ash ala al haqq. Et ils ont été appelés groupe parce qu'ils se sont unis et se sont regroupés sur quoi? Sur la vérité. Sur la vérité, pas sur le faux. Ils se sont regroupés sur la vérité. Laysa baynahum ikhtilaf. Il n'y a pas parmi eux, eh bien, de divergence. La yakhtalifun fi aqidatihim. Ils ne divergent pas dans leur croyance. Et dans la croyance, il ne peut pas y avoir de divergence. La croyance, il ne peut pas y avoir de divergence dans la croyance. L'aqida, la yujad khilaf. Il n'y a pas de divergence dans la croyance. Innama aqidatuhum wahida. Ils ont une seule et même croyance. Wa in kanu yakhtalifuna fil masail al fiqhiyya wal masail al far'iyya al mustanbata fa hadha la yadhur. Même s'ils divergent au sujet de la jurisprudence, eh bien ceci ne portera ou ne leur portera aucun préjudice. فَلِخْتِلَافِ فِي الْفِقْهِ لَا يَضُرْ. La divergence dans le fiqh, eh bien ne porte pas préjudice à la croyance. لِأَنَّهُ نَاشِئُ عَنِ اجْتِهَادِ. Pourquoi? Parce que, eh bien, la jurisprudence est un effort de compréhension. وَلِجْتِهَادْ يَخْتَلِفْ. Et l'effort, eh bien, de recherche et de compréhension, il peut être sujet à divergence dans la jurisprudence. وَالنَّاسُ لَيْسَ عَلَى حَدٍ سَوَى فِي مَلَكَةِ الْإِجْتِهَادِ. Et les gens, eh bien, ne sont pas tous égaux dans l'effort de recherche. Certains, eh bien, en faisant l'effort, vont arriver à la vérité et d'autres vont se tromper dans la jurisprudence, fait le fiqh. Amma al-aqida fa innaha la taqbalu l'ijtihad. Mais la croyance, elle n'accepte pas l'effort de recherche. Il n'y a pas d'effort de recherche dans la croyance. بَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ وَاحِدًا. La croyance, obligatoirement, elle est seule, une seule et unique croyance. Celle sur laquelle étaient le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. لِمَاذَ لِأَنَّهَا تَوْقِفِيَّ. Pourquoi ? Parce que cette croyance, elle est arrêtée. La croyance, elle est arrêtée. فَقَالَ تَعَالَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et certes, cette communauté est une seule communauté, yani elle n'a qu'une seule croyance. Et moi, je suis votre Seigneur, adorez-moi. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاحِدًا لَا تَقْبَلُ الْإِخْتِلَافِ تَعْبُدُ رَبًّا وَاحِدًا. Et donc cette communauté est une seule communauté qui a la même croyance. Et elle n'accepte pas, eh bien, la divergence dans la croyance. Et elle adore un seul et unique Dieu. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَالَ تَعَالَ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, qu'est-ce qu'il dit ? Surat al-Mu'minun. Il dit, et certes, cette communauté est une seule communauté, ou votre communauté est une seule communauté, et moi, je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes. Et chaque groupe exultant de ce qu'il détient. ذَمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réprimandé ceux qui ont divergé dans ce verset. لِأَنَّ الْإِخْتِلَافِ فِي الْعَقِيدَةِ لَا يَجُوزُ. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la divergence dans la croyance, eh bien, c'est interdit. Il est interdit de diverger dans la croyance. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا أُمَّةً وَاحِدَةً. Allah azza wa jal nous a ordonné d'être une seule communauté et d'avoir une seule croyance. فَعَصَوْهُ فَتَقَطَّعُوا أَمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'ils lui ont désobéi et qu'ils se sont divisés en sectes. وَزُبُرًا أَيْ كُتُبًا كَمَا قَالَ قَتَادَ وَمُجَاهِدْ كُلُّ وَاحِدٍ عِنْدَهُ كِتَابٍ. يعني chaque groupe a son livre vers lequel il retourne. وَكُلُّ وَاحِدٍ عِنْدَهُ عَقِيدًا. Et chaque groupe a sa croyance à lui. وَعَقِيدَةُ هَذَا غَيْرُ عَقِيدَةِ هَذَا. Et la croyance d'un tel ou de ce groupe-là n'est pas la même croyance que tel groupe. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chaque groupe exultant de ce qu'il détient et est heureux de ce qu'il a comme croyance. كُلُّ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وغيره على الباطل. Chaque groupe pense que, eh bien, qu'il est sur la vérité et que les autres sont sur le faux. لا يقول نرجع الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ne disent pas nous revenons et nous confrontons, eh bien, notre croyance au Coran, au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كما الله سبحانه وتعالى nous dit, si vous divergez dans une chose, eh bien rendez-le au livre d'Allah, ou à Allah تبارك وتعالى et à son messager, يعني au livre d'Allah سبحانه وتعالى et à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Si vous croyez en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. بَلْ كُلٌّ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَحْدَهُ. Mais chaque groupe dit qu'il est le seul qui est sur la vérité. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chaque groupe exulte de ce qu'il a. وَمُقْتَنِعٌ بِمَا لَدَيْهِ. Il est convaincu que ce qu'il a est une vérité. بَلْ وَمُتَعَصِّبٌ لَهُ. Et encore plus, il est fanatique et il fait du fanatisme sur ce qu'il possède comme croyance. ولا يرى أن قوله عرضة للخطأ والصواب. Et il ne pense pas que eh bien sa parole peut être bonne ou peut être mauvaise, ou sa croyance peut être bonne ou peut être mauvaise. ثم قال من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Et donc la croyance de Cheikh, c'est qu'il croit en Allah tabaraka wa ta'ala, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et à la résurrection après la mort. Et il croit également, eh bien, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. هذه أصول الإيمان وأركانه. Et donc ceci, ce sont les fondements de la foi ainsi que ses piliers. يؤمن بها الشيخ. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah croit, eh bien, en ces choses-là. وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث يعني اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Et donc il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه رضوان الله عليهم فقال أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc, comme ceci est mentionné dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril est venu le questionner en présence des compagnons radiallahu anhum, hadith est rapporté par Omar radiallahu anhu, où est-ce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la foi est que tu crois en Allah azza wa jal, que tu crois en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. قال العلماء هذه أركان الإيمان. Et donc les savants ont dit, ceci sont les piliers de la foi. Ceci, ces six choses sont les piliers de la foi. والإيمان له أركان وله شعب. أركانه ستة وشعبه بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. Et donc la foi a des piliers. Et la foi également a des branches. La foi a six piliers, comme on vient de les nommer. Et il a également des branches. Et ces branches sont, eh bien, comme il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittun shu'ba. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha عن الطريق كما أخرجه مسلم في صحيحه. Il dit que, eh bien, les branches de la foi sont au nombre, soit, yani le mot bid', c'est entre 3 et 9. Donc soit entre 73 et 79, soit entre 63 et 69. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِضْعَ سِنِينَ يعني يوسف. Il est resté, eh bien, en prison un certain nombre d'années. Les mufassirun قالوا يعني بضع بين ثلاث وتسع سنين. Entre 3 et 9 ans. فلبث في السجن بضع سنين. Donc بضع c'est entre 3 et 9 années. Donc les branches de la foi sont soit entre 73 et 79 ou soit entre 63 et 69. Et le plus haut degré de la foi, eh bien c'est la ilaha illallah, la parole ou le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas ou la plus basse branche de la foi, c'est le fait de ramasser, eh bien, les choses gênantes qui sont sur le chemin. فالإيمان له شعب كثيرة. La foi est énormément, eh bien, de branches et de degrés. وأما أركانه أي جوانبه التي يقوم عليها فهي ستة أركان. Mais, eh bien, les piliers sur lesquels repose la foi, ils sont au nombre de 6. 6 piliers. Ar-ruknu al-awwal, al-imanu billah. Premier pilier de la foi, c'est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-asas. Et ça, c'est le plus important des piliers. Et c'est le fondement des piliers de la foi. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Et donc la foi en Allah تبارك وتعالى englobe toutes les sortes de tawhid et d'unicité, que ce soit l'unicité de la seigneurie ou que ce soit l'unicité de la divinité, يعني l'adoration, ou que ce soit l'unicité des noms et des attributs d'Allah تبارك وتعالى. والركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. Et le deuxième pilier des piliers de l'islam, des piliers de la foi, c'est la croyance aux anges. La croyance aux anges. وأنهم عباد من عباد الله تبارك وتعالى. Les anges sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah تبارك وتعالى. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ne devancent pas Allah tabaraka wa ta'ala dans la parole, mais ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. خلقهم الله عز وجل من نور. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses anges de lumière. وهم من عالم الغيب. Et ces anges là font partie du monde de l'invisible. Les anges font partie du monde de l'invisible et nous ne les voyons pas. Et on ne voit pas les anges. Mais même si on ne les voit pas, nous croyons en l'existence des anges. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces anges, eh bien, plusieurs sortes. كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به في هذا الكون. Chaque sorte et chaque catégorie d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, eh bien, ont des œuvres qui leur sont spécifiques et qu'ils font et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a assigné dans cet univers. فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم. Parmi les anges, eh bien, il y en a qui sont les gardiens. Les gardiens qui veillent aux œuvres et qui écrivent les œuvres des enfants d'Adam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors que veillent sur eux des gardiens, des nobles scribes, yani, qui écrivent toutes les œuvres des enfants d'Adam et qui savent ce que vous faites. Et qui savent ce que vous faites. وَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Et parmi les anges, il y a ceux qui supportent, parmi les catégories d'anges, il y a ceux qui supportent le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّلْ بِالْوَحِي وَهُوَ جِبْرِيلِ. Et parmi eux, il y en a un qui s'occupe de la révélation et qui est Jibril, qui s'occupe et vient de révéler. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّلْ بِالْقِطْرِ وَمِنْهُمْ وَهُوَ مِكَالِ. Et parmi eux, il y a celui eh bien, qui s'occupe de faire descendre la pluie, et celui-là c'est Mikal. Mikal. وهو مذكور في القرآن في سورة البقرة ومنهم الموكل بالموت وهو ملك الموت ومعه ملائكة الموت. Il y en a un qui s'occupe eh bien de recueillir l'âme des enfants d'Adam au moment de leur mort. Il s'appelle ملك الموت. Et avec lui, il y a également plusieurs anges qui l'assistent. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل